Donc, comme j'aime ça, je vous en ai fait cadeau. Quoi de neuf depuis le Lobster 46 la semaine passée? Plein de choses. Mon père est tombé dans l'escalier au chalet. Il a déjà eu un premier gel au Saguenay durant la nuit. Et au matin, quand mon père est sorti pour aller voir si la chaufferette dans la serre chauffait bien, il a glissé dans les marches où la rosée s'était transformée en couche de glace. Il a déboulé 7 marches, mais heureusement, il ne s'est pas trop blessé. Il a mal partout. Il a été à l'hôpital de la Malbaie et a pu voir un médecin en 45 minutes, comme quoi il y a des hôpitaux plus tranquilles que d'autres. Bien sûr, il ne sera pas en forme pendant quelques temps, mais il semble rien s'être cassé, donc chanceux malgré tout. Mon papa a 71 ans et il aurait pu se blesser beaucoup plus que ça en déboulant ses marches. Malgré tout, après être tombé, il est quand même allé se bûcher une demi-corde de bois de poêle avant de se dire qu'il avait trop mal et d'aller à l'hôpital. Faut croire qu'il fait dur. Donc maintenant, aujourd'hui, en ce samedi, qui est quand même nuageux, je suis allé magasiner. Je magasine pas trop souvent, mais là, j'étais dû. Bien sûr, je vais tous les jours à la boutique Renaissance m'acheter des BD pas chers, mais ça, ça compte pas comme magasinage. Là, je suis allé dans un vrai gros centre d'achat, dépenser mes surplus. Je me suis permis l'achat d'une BD neuve, le numéro 1 de l'intégrale des aventures de Valérien, agent spatio-temporel. Dans ce volume, dont j'ai déjà retiré et oublié le prix trop élevé, et il y a les trois premières BD de ce fameux héros, donc j'ai bien hâte de lire ça ce soir. Pour ceux qui n'ont pas vu le film de Valérien et la cité des mille planètes, moi, j'avais bien aimé. C'était divertissant, c'est une adaptation d'une des BD. Malgré que ce ne fut pas un succès commercial, que la suite est déjà écrite, et qu'elle sera probablement pas réalisée vu les maigres recettes du premier film, ben ça reste un bon divertissement à mon avis. Bon, assez parlé pour l'instant pour cette introduction, et j'en ai pas terminé avec The Box. Et oui, surprise, c'est pas un groupe que je suis, et j'ai vu qu'ils ont sorti un album en français. Un nouvel album plus progressif et entièrement consacré au Orla de Guy de Maupassant. Mais l'Orla, c'est quoi? L'Orla trouve son origine dans une courte nouvelle de Maupassant. Lettre d'un fou, publiée sous le pseudonyme de Maufrigneuse en 1885 dans le quotidien Gil Blas, qui développe déjà la même histoire sans que le nom d'Orla n'y soit mentionné. Donc, Maupassant reprend ensuite les principaux éléments de Lettre d'un fou pour écrire deux autres versions de l'histoire sous le titre Le Orla. Donc, le titre de leur album vient de là et le texte, donc, c'est un extrait de Maupassant. Donc, avec cet album qui est sorti en 2009, The Box a été remarqué et salué par plusieurs critiques élogieuses. Le journal Le Voir en a dit « Jean-Marc Pisapia, leader et chanteur du groupe, livre ici une œuvre résolument anticommerciale. Presque toutes les pièces sont trop longues pour nos radios frileuses et contre toute attente, l'un des meilleurs disques de rock progressif en français paru depuis longtemps. » Donc, ici dans le Lobster, les œuvres trop longues ou anticommerciales, on s'en fout, on peut passer ce qu'on veut, on a la licence pour n'importe quoi, donc découvrons ensemble, 10 ans après sa sortie, une chanson de l'album Orla de The Box. On écoute Le Chat Noir. Au retour du chat noir où se produisait par hasard un dénommé Satie, pianiste aux mélodies étranges, nous décidâmes d'aller dîner ensemble chez ma cousine, quand soudainement la soirée prit une tournure bizarre. Le docteur Parent prétendait la science sur le point de révéler ses secrets de loin les plus fantastiques. Depuis quelque temps, disait-il, on semble pressentir la venue de quelque chose de nouveau, tout nouveau. Mesmer et quelques quelques autres ont fait de récentes découvertes aux implications fascinantes, voire terrifiantes. Les faits qu'il avança me parurent à ce point étranges que je me déclarais tout à fait incrédule. Voyez plutôt, dit-il, et s'adressant à ma cousine, voulez-vous, madame, que je tente de vous endormir? Je veux bien, dit-elle, insouciante, mais mal lui en prie. En 5 minutes à peine, elle était sous le charme. Sans mes parents, dans ma poche, un petit bouquin de... pas de Maupassant. Et tourne le dos au couchant. Les lumières de la ville s'évanouissent lentement. 35 000 pieds dans quelques temps survoleront l'océan. En progressant aveuglément, pourtant l'Italie se trouve droit devant. Et j'en garde dorénavant parmi les plus beaux souvenirs d'enfants. Sur le moteur étincelant, l'aigle prate bleu et blanc. Sur mes genoux, ce récit surprenant, le hors-là de Maupassant. On a découvert un petit peu plus que le chat noir, donc c'était l'album Le Horla de The Box, disponible en écoute dans YouTube. Quoi d'autre cette semaine? C'était évidemment la rentrée scolaire de mes garçons. La semaine dernière, il n'y avait eu qu'une seule journée, mais cette semaine était quasi complète avec ses 4 jours d'école. Mes deux garçons, eux, sont contents de retrouver leurs amis. Pour mon plus jeune, c'est son arrivée au secondaire et il avait hâte de faire des devoirs. Et oui, donc jeudi, quand il en a eu pour la première fois, dès son arrivée, il est monté dans sa chambre les faire et ce qu'il aime surtout, c'est de commencer l'école tard. Car dans mon coin, le secondaire commence à 9h30, ce qui est en adéquation avec l'heure de réveil de mes garçons qui aiment se coucher tard et se lever tard. Ça semble être ça, l'adolescence. Aussi, jeudi soir, grosse soirée de Magic de Gathering à la maison. Mes amis Martin et Nico sont venus et on a joué à Magic avec mes deux garçons qui jouent depuis des années aussi. Une belle soirée. Petit rappel sur Magic, c'est un jeu de cartes qui compte plus de 18 000 cartes différentes avec lesquelles chaque joueur doit construire son propre deck de cartes. Moi, je joue à ce jeu depuis mon entrée à l'université et je passais mes week-ends d'université à aller dans les tournois à Sherbrooke. Je gagnais rarement, pour dire jamais. C'était très rare, comme c'est encore le cas maintenant, mais j'ai toujours du plaisir à jouer à ce jeu. Et saviez-vous que la carte la plus coûteuse dans ce jeu est le Black Lotus, une carte qui te donne 3 mana pour un coût de 0. Bref, une carte très puissante, au prix très puissant aussi, de 35 à 65 000 $ en version alpha pour une carte qui n'est pas usagée. Et qui vient évidemment de la première version du jeu. C'est ridiculement fou. Moi, j'ai bien sûr cette carte 2 ou 3 fois, mais en version chinoise Alibaba. Ce que je veux dire, c'est que je me suis acheté une copie, quelques copies à 1$ sur le site Alibaba. Et oui, nos amis chinois nous en font des copies pas chères. Mais j'ai quand même vérifié le prix de mes autres cartes. Celles-là, ce sont des vraies, des cartes qui font partie des 9 puissantes du jeu que j'avais achetées il y a quelques années en format Collector Edition. Et pour des cartes payées à l'époque dans les alentours de 50$ par carte, j'ai eu la surprise tantôt en vérifiant de voir qu'elles se vendaient maintenant 650$ chacune. Donc, je vais essayer de leur faire un petit peu plus attention. Je ne vous referai pas l'histoire de Magic, mais sachez qu'elle a influencé l'histoire de Donjons & Dragons à laquelle je joue aussi. Et oui, Richard Garfield, qui a créé Magic the Gathering, a déposé un brevet sur la méthode de jeu de Magic. Le brevet 566-2332, peu importe le chiffre, mais ça dit comment jouer, que ça utilise de la mana pour jouer des sorts et tout le tralala. Donc tout est décrit dans le brevet. que je viens d'aller voir sur Internet, et ce brevet a fait le succès de la compagnie Wizards of the Coast qui distribue les jeux comme Magic. Et ça leur a permis, avec ce brevet, de publier d'autres jeux de cartes à succès tels que Pokémon qui utilisent le même système de jeu. Bref, ils ont fait tellement d'argent, Wizards of the Coast, à nous vendre des cartes qu'ils ont rachetées en 1997 la compagnie TSR, la fameuse compagnie qui publia la première version de Donjons & Dragons. Mais ce rachat, à mon avis, fut une belle affaire car Donjon n'a cessé de s'améliorer avec Wizard of the Coast qui, eux, avaient de l'argent à jeter par les fenêtres pour faire vivre tout ça. Dans le même ordre d'idées, il m'arrive aussi souvent à la boutique Renaissance de tomber sur des vieux livres de Donjons & Dragons. Bon, moi j'ai déjà tous les livres que j'ai besoin, en 1 à 3 exemplaires de la version 3.5 que j'utilise. Et il y a environ 2 semaines, je suis tombé sur le livre Player Handbook de TSR. C'est la version de 1978. Donc j'étais très content. Il y avait aussi le livre Déité et Demigod, des livres un peu jaunis, mais en bon état, pour lequel je n'ai pas hésité à payer les 4$ demandés, même si je ne les utiliserai jamais et qu'ils vont simplement servir de bibelot dans mon armoire de donjon. Bon, je me suis écarté un petit peu, donc on se remet sur la traque en écoutant un peu de musique et au retour, je reviens sur mes sujets prévus. Je veux vous parler de la saison 3 des vacances de Monsieur Bruno. I am a poor man. Je pense que la dernière chanson mérite que je donne son nom et que je présente aussi son groupe. C'était une chanson du groupe Glory Hammer. Donc, ce groupe est un groupe de power metal britannique originaire de l'Écosse. Il a été formé en 2010 et le groupe joue un power metal à tendance médiévale metal, tant au niveau visuel que musical. C'était donc tiré d'un album tout frais, tout beau, de 2019 avec un nom à tirer les cheveux, Legend from Beyond the Galactic Terror Vortex. Un album qui mélange bien le son heavy metal et ajoute un élément de synthétiseur que j'aime bien. C'était donc la chanson Master of the Galaxy. Bruno Blanchet, notre globe-trotteur émérite, repart pour de nouvelles aventures. Cette fois, il pose ses valises en Afrique, un continent tout aussi fascinant que méconnu. Loin des sentiers battus, il nous entraîne à la rencontre de ses habitants et nous offre une immersion dans leur quotidien. Avec sa personnalité colorée, ses innombrables péripéties, son regard original, combiné à son humour déjanté, M. Bruno nous fait découvrir le vrai visage de l'Afrique. Voilà, c'est la description qu'en fait le site Évasion de la nouvelle saison des aventures de M. Bruno. Vous, je ne sais pas si vous avez commencé à écouter ces épisodes de la saison 3, mais je peux vous dire que c'est encore aussi bon et aussi drôle et un peu crackpot que les autres saisons. Ça joue à Évasion le mercredi à 20h et c'est en reprise un peu partout, un peu n'importe quand, devrais-je dire. Moi, j'ai écouté les deux premiers épisodes et j'ai bien aimé. Pour son premier arrêt, épisode 1, Bruno s'est rendu sur le lac Nokoué, qui abrite des villages sur l'eau, et il nous a présenté le quotidien de ces Béninois qui habitent ces maisons de pilotis. Donc, il est allé pêcher, entre autres, du poisson avec des gens du coin. Puis dans l'épisode 2, c'est l'épisode « Voyage au cœur du vaudou », il nous fait découvrir à sa façon le vaudou. Il s'est rendu à Abomey pour s'initier à la pratique du vaudou. Ce que l'article dit, c'est « Le Bénin est effectivement le berceau de cette traditionnelle animiste et elle demeure encore aujourd'hui très ancrée dans la vie de ses habitants. » En compagnie de Constant Gléglé, un prince héritier du royaume du Dahomey, il participe à des sacrifices, à une séance de divination et à une visite dans un temple. Au fil de son séjour, M. Bruno découvre des rites étonnants où il est question de sang, de possession, d'esprit et de pureté. Moi, j'ai écouté donc ces deux premiers épisodes, 1 et 2, et moi, c'est mon coup de cœur du côté des nouvelles émissions. Donc, je vous encourage à l'écouter si vous avez le temps, bien sûr. Autre sujet que j'avais mis de côté pour le Lobster, c'est le suivant. Que doit-on faire après une piqûre d'hyménoptère? Bon, les hyménoptères sont un ordre d'insectes. Des représentants communs de cet ordre sont les abeilles, les guêpes, les fourmis et les frelons, qui sont présents sur tous les continents sauf l'Antarctique. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que le week-end passé, en me promenant nu-pied sur mon gazon, j'ai encore marché sur un gros thon ou une abeille, et bien sûr, je me suis fait piquer. Ça m'arrive plusieurs fois durant l'été, car j'aime ça laisser pousser mon gazon chez nous. Moi, j'ai pas un beau gazon vert uniforme, j'ai un mélange d'un peu tout, et quand je le laisse pousser pendant quelques semaines, le gazon, rempli de trèfles et d'autres fleurs, se remplit de jolies fleurs jaunes ou de différentes couleurs. Ça devient très beau et les abeilles, évidemment, se font plaisir dans les fleurs de mon gazon. Donc, moi, j'y pense pas vraiment. Quand je me rends à la serre, à la piscine ou que je marche sur mon gazon, bien, je marche au travers de ça et bien sûr, je me fais piquer. Heureusement, je suis pas trop allergique. En effet, ma plus grosse expérience de piqûre, qui remonte à mes 12 ans environ, était un total de 13 piqûres de guêpes en dedans de 5 minutes et j'avais pas fait de réaction. Maintenant, ce que je trouve drôle quand je me fais piquer, c'est qu'à chaque fois, j'ai rien sur le moment, mais le lendemain, ça commence à piquer. comme si mon corps avait découvert le venin dans ma peau et le combattait. Ça dure 3 à 4 jours et ça pique et ça gratte. Mais cette fois-ci, il faut croire que le venin s'est déplacé dans mes orteils. J'avais le bout du pied qui piquait. Pendant 3 jours, je n'ai pas arrêté de me gratter le bout des orteils. Au départ, j'ai cru que c'était la bactérie mangeuse de chair qui m'attaquait et que je devrais sacrifier mes orteils. Mais heureusement, je me suis souvenu de ma piqûre la veille et donc j'ai pu lier cette réaction à ça, ce qui m'a évité d'appeler le Info Santé. Voilà, les sujets dans le Lobster se trouvent aussi simplement qu'en marchant sur la pelouse. Lift the veil of the darkness. Be the voice of the broken. Chanson du bloc qu'on vient d'écouter, la première du groupe Motionless in White, la chanson Voice, suivie de Elix du groupe Amaranth, un groupe suédois qui mélange des riffs de death metal mélodique à des refrains pop. Voilà! Maintenant, je voulais vous parler d'un héros célèbre, un héros au cri célèbre. Je vous fais entendre son cri pour que vous puissiez vous aussi le reconnaître. Et oui, Tarzan. Tarzan, c'est un personnage de fiction représentant l'enfant sauvage élevé par les grands singes dans la jungle africaine. Ce personnage a été créé par Edgar Rice Burroughs en 1912 dans le roman Tarzan, seigneur de la jungle. Donc, ce roman a été publié pour la première fois en France en 1926 sous le titre de Tarzan chez les singes. Suivra 26 volumes qui sont sortis entre 1912 et 1995. La bande dessinée et le cinéma consacreront le mythe, bien qu'en particulier pour le cinéma, ce soit au prix d'une trahison colonialiste du personnage et des histoires d'origine. Cette trahison fut d'ailleurs la source d'un lancinant conflit entre Burroughs, désireux d'adapter fidèlement ses œuvres, et les réalisateurs obligés, pour éviter les poursuites judiciaires, d'insérer au générique de chacun de leurs films très librement adapté des personnages créés par Edgar Rice Burroughs. Donc, moi, c'est la passion BD, une de mes passions que je veux vous parler. J'étais tombé au marché Jean Talon lors de mon dernier voyage au Saguenay sur une boîte contenant une centaine de vieilles BD format irrégulier. Je pense que j'en avais parlé dans les derniers Lobsters. Donc, BD petit format dans lequel il y avait 5 ou 6 BD de Tarzan, eh bien, je les ai lus et c'était vraiment bon. Les histoires, même si elles sont un peu trop courtes à mon goût, moi j'en aurais pris plus, racontent les aventures de Tarzan et de Korak, nom en singe de John Jack Clayton, vicomte de Greystoke et fils de Jane et Tarzan. Donc, ce que j'ai lu, ce sont les mensuels de Tarzan qui racontaient les histoires de Tarzan et de son fils Korak. Et ça m'a tellement diverti que j'essaie de me procurer les BD de Tarzan. C'est une des raisons pourquoi j'étais parti en mission magasinage aujourd'hui, mais bon, arrivé chez Renaud Bré, il n'y avait pas ces BD en stock, ils les tiennent pas en stock, faut les commander. Donc, j'aurais évidemment pu tout faire ça de chez moi en commandant directement sur Internet, mais j'aime bien aller en librairie pour voir les nouveautés. Mais le prix fait peur. Ces BD, ils se détaillent à 50$ chacune, mais elles ont 288 pages, alors qu'une BD normale tourne autour de 43. Donc, le prix semble raisonnable pour la grosseur de la BD. Mais j'hésite quand même, je pense que je vais les acheter à Noël. Mes parents me donnent toujours de l'argent en cadeau et je dépense toujours l'argent pour m'acheter des BD neuves. Donc, je ferai cette dépense folle à ce moment. Pour l'instant, j'ai vu qu'il y a 2 volumes de sortie, mais c'est pas fini et ils veulent sortir l'intégrale, donc je sais pas en combien de livres ça va se détailler. Justement, j'ai vu une série de BD tantôt, parlant de ce que j'ai vu en magasin. Il y avait 12 volumes pour l'intégrale de Bogdani et ça coûtait 600$. C'est à s'arracher les cheveux. Vous comprenez maintenant pourquoi j'achète à 95% mes BD dans l'usager. Parlant de ma collection, au dernier décompte, j'approchais les 1550 BD et dernièrement, lors de la journée où tout est à 50% du prix chez Renaissance, je me suis mis à acheter en double la collection de Tintin et d'Astérix. J'adore les relire au chalet, donc la journée où je les payais 1,75 de la BD, j'ai acheté les doubles pour les laisser au chalet. Donc, dernier sujet du Lobster et témoin de ma dernière intervention, je veux vous parler du Capitaine Fracasse. Le Capitaine Fracasse, c'est un roman de cap et d'épée de Théophile Gautier, qui lui est paru en 1863, qui a fait l'objet de nombreuses adaptations à la scène, télévision et cinéma. Et cette semaine, je ne sais pas quelle journée, mais j'ai écouté ça. J'ai écouté l'histoire en format livre audio que j'ai trouvé sur YouTube. Donc, je vous l'ai téléchargé et pour ceux qui s'attendent, vous pourrez l'écouter. Je l'ai joint en fin de Lobster. L'histoire est complète, mais je vous place quand même un peu le récit avec un bout du résumé pour vous permettre de mieux apprécier le texte audio. L'histoire, elle, se déroule entre 1637 et 1643 sous Louis XIII, et ça dit « Le baron de Cigognac, dernier héritier de l'illustre famille des Cigognac et jeune noble désargenté, vit reclus dans son manoir landais qui tombe en ruine. Un soir d'hiver, il offre l'hospitalité à une troupe de comédiens égarés et tombe amoureux de l'Isabelle de la troupe. L'attirance est réciproque. Le lendemain, sur la proposition des voyageurs, Cigognac décide de les suivre dans leur aventure. » Voilà, je vous en dis pas plus, c'est une super belle histoire qui est bien racontée, donc vous pourrez l'écouter en fin de Lobster ou cesser l'écoute du Lobster si ça vous intéresse, tout simplement pas. Donc je vous laisse là-dessus et sûrement sur un petit épisode de Camelot. Sur ce, bonne semaine à vous, on se reparle la semaine prochaine. Au revoir! Vous vous souviendrez? Je crois, ouais. Oui, enfin, mais c'est pas très compliqué. Il faut affranchir nos compagnons. Bon, il faut que je parte demain, c'est ça? Non, vous partez immédiatement, là. Tout de suite? Mais qu'est-ce qu'ils disent, message? Je peux pas vous le dire, c'est un message secret. Et c'est pas un message secret. Vous avez dit c'est un message codé. S'il est codé, il est bien secret. Non! S'il est codé, vous pouvez monter le gueuler sur le toit de la taverne, normalement personne comprend. Non mais c'est quand même une phrase qui veut dire quelque chose. Allez-y, dites-la nous, on vous dira si c'est secret. Il faut franchir les compagnons. Il faut franchir les compagnons? Ça, ça doit être du code parce que ça veut rien dire. C'est ce que je vous dis, c'est un message codé. Mais il vous a pas dit ce que ça voulait dire en vrai? Non, il me semble pas. Ça veut dire que vous devez l'apporter à quelqu'un qui lui sait ce que ça veut dire. En tout cas, j'espère que je vais pas foutre la merde parce que ça avait l'air drôlement important. Ça va, c'est pas compliqué. Vous voulez que je fasse, moi? Vous feriez ça? Ouais, à la cinquième clairière. Partez tout de suite parce que j'avais déjà promis que je partais cette nuit, mais je me suis pas réveillé. Je suis désolé, je voulais arriver plus tôt, mais je me suis paumé. Maintenant que vous êtes là et quand vous aurez plus faim, vous me direz peut-être ce qui vous amène. Vous croyez que je suis venu vous emmerder, c'est ça? C'est jamais, vous pouvez me surprendre. Eh bien, vous me direz si je vous surprends. J'ai un message codé de la part du roi. Ça vous coupe le sifflet, ça? Ce qui me coupe le sifflet, c'est que le roi vous ait choisi pour transmettre un message. Non, mais au début, c'était Caradoc. Mais je l'ai remplacé. Il a choisi Caradoc? Il a choisi ce qu'il a pu. Je crois qu'hier, ils ont bouffé une courge pourrie au château. Tout le monde était malade. Sauf Arthur, parce qu'il n'aime pas ça. Et Caradoc, parce qu'il a senti qu'elle était pourrie. Il n'avait pas le choix. Il m'aurait pris moi, mais j'étais en affaire. Vous avez conscience que vous détenez probablement l'ordre martial le plus conséquent de toute l'histoire de l'île de Bretagne? Qu'est-ce que ça veut dire, conséquent? Bon, je vous écoute. Vous êtes prêt à décoder? Prêt? Prêt. Il faut rafraîchir les maquignons. Quoi, je me suis planté? C'est pas du code? Ah si, en l'occurrence si, ça peut en être, mais... Allez-y, expliquez-moi le code. Je vais vous aider à déchiffrer. Non, j'ai pas le droit de vous donner le code. C'est pas tous les chevaliers qu'on voit? Les chefs de guerre seulement. Mais je suis pas chef de guerre, moi? Non. Bah si. Ah non, je vous jure que non. Comment vous le savez? Vous connaissez pas le code. Bah et vous? Je m'excuse, vous n'avez pas tellement l'air de connaître non plus. Je vous donne un message et vous pédalez dans ce moule. Vous badigeonnez le corps pendant 6 jours, ça fait baisser la tension. Non. Non, attendez, elle se badigeonne pas celle-là, elle s'avale. Vous êtes sûr? Je sais plus. Enfin, faites les deux, vous verrez bien. Oui, ça va, vous me démerdez, vous êtes gentil. Au fait, je sais plus qui c'est qui m'a dit de vous dire, il faut que vous fassiez blanchir des champignons. Ça vous dit rien? La demande spéciale de Martin. Le capitaine fracasse. Le château du baron de Cigognac, dans le beau pays de Gascogne, était si délabré qu'on aurait pu le croire inhabité. Et si l'on poussait la porte, qui depuis longtemps ne protégeait plus aucune fortune, on découvrait que ses habitants n'étaient guère plus glorieux. Le serviteur, Pierre, le chien, Miro, et le chat, Belzébuth, étaient tous les trois vieux et maigres. Ils entouraient leur jeune maître d'une attention fidèle et silencieuse. Celui-ci, perdu dans des réflexions douloureuses, terminait tristement son maigre souper. C'était un jeune homme de 25 ou 26 ans, mais il en paraissait plus tant il était grave et sérieux. Son visage, quoique beau, était creusé et cerné, et son allure tout entière montrait une renonciation absolue à toute idée de plaire. Le jeune baron, unique survivant de la famille Cigognac, avait bien des motifs de mélancolie. Ses ancêtres s'étaient ruinés de différentes manières, soit par le jeu, soit par la guerre, ou par le vain désir de briller, en sorte que chaque génération avait légué à l'autre un patrimoine de plus en plus diminué. La nuit était tombée, et le baron allait se coucher, plus par ennui que par envie de dormir, lorsque trois coups furent frappés violemment à la porte. Étonné, il alla ouvrir. L'homme qui se tenait sur le seuil lui fit une courbette exagérée. Son crâne luisait sous la lumière et la pluie, son nez bourgeonnait, mais il avait une certaine bonhomie spirituelle. Il dit d'un ton emphatique « Daignez m'excuser, noble châtelain, si je viens frapper moi-même à la poterne de votre forteresse. » Et il poursuivit un discours d'un verbiage si ennuyeux que le baron l'interrompit. « Si je comprends bien, votre chariot est embourbé et vous et les comédiens de votre troupe me demandez l'hospitalité. » Quoique ma demeure soit assez délabrée et que je n'ai pas grand-chose à vous offrir, vous y serez toujours un peu moins mal qu'en plein air. » Le pédant, car tel paraissait être son emploi dans la troupe, s'inclina respectueusement. Pierre prit une lanterne et tous trois allèrent aider les comédiens à dégager la charrette embourbée. Bientôt les bêtes furent conduites à l'écurie, le chariot placé à l'abri et les comédiens entrèrent dans la salle à manger. Le baron s'excusa. Je ne puis vous donner que le couvert et la chaleur de ma cheminée. Mon garde-manger ne renferme pas de quoi faire souper une souris. Je vis seul et ne reçois jamais de visite. » Le pédant répliqua. « Qu'à cela ne tienne. Si au théâtre, on nous sert des poulets de carton, nous avons dans nos réserves des mets plus substantiels, et si votre seigneurie daigne souper avec nous, nous dresserons ici la table du festin. » Tandis que les dames mettaient le couvert, les messieurs allèrent chercher les provisions ainsi que des chandeliers de théâtre. Bientôt, la vie sembla revenue à cette habitation morte. Il y avait de la lumière, de la chaleur et du bruit. Cigognac se sentit envahi d'un bien-être jusqu'alors inconnu. Et tandis qu'il se régalait de jambon et autres pâtés, la présence des comédiennes le troublait agréablement. Parmi elles, Isabelle avait l'emploi d'ingénue. Son élégance était simple, son air modeste et son visage angélique. La soubrette, au contraire, avait la peau mate et le sang chaud, un regard vif et une allure joyeuse. Cette nuit-là, le jeune baron ne put fermer l'œil. La venue des comédiens lui semblait un coup du sort pour l'inviter à sortir de sa masure féodale. D'ailleurs, le lendemain matin, le pédant lui fit cette remarque. « Je m'étonne qu'un gentilhomme tel que monsieur laisse ainsi se consumer sa jeunesse au fond d'une solitude où la fortune ne peut venir le chercher. Il faudrait aller à Paris. » « Là, monsieur le baron trouverait immanquablement l'occasion d'être distingué selon son mérite. » Cigognac sentait la justesse de ses paroles, mais l'argent lui manquait pour entreprendre un si long voyage. Le pédant lui dit alors, « Si notre humble charabeu ne révolte pas l'orgueil de votre seigneurie, venez avec nous à Paris, puisque notre troupe s'y rend. » Une faible rougeur monta aux pommettes de Cigognac, moitié de honte, moitié de plaisir. Si, d'une part, l'orgueil de sa race se révoltait en lui à l'idée d'être l'obligé d'un pauvre saltimbanque, de l'autre, il était touché par cette offre faite franchement et qui répondait si bien à son désir secret. Il craignait, en outre, s'il refusait cette proposition, de blesser l'amour-propre du comédien et peut-être de manquer une occasion qui ne se représenterait jamais. Isabelle s'avança alors d'un air gracieux. « Notre poète nous a quittés. et monsieur le baron pourrait le remplacer, car j'ai trouvé sans le vouloir un sonnet surchargé de ratures qui doit être de sa composition. » En disant cela, la jeune fille avait jeté au baron un regard si doux, si pénétrant, qu'il ne put y résister. Bien qu'il eût le cœur gros de quitter Pierre, ses animaux et sa demeure, le baron, déjà conquis par Isabelle, se joignit donc à la troupe. Le chariot reprit sa route, et bientôt le château de Figognac disparut à l'horizon. Au soir, ils s'arrêtèrent dans une auberge. Il y avait là une fillette d'environ 8 ou 9 ans. Elle était maigre et chétive. Son visage, d'une pâleur mate et profonde, était dévoré par des yeux immenses et cernés. Elle fixa avec envie et admiration les bijoux des comédiennes dont elle ne soupçonnait pas le peu de valeur. Le collier de perles d'Isabelle la fascina particulièrement. Soudain, 3 coups impatients furent frappés à la porte de l'auberge et une meute de chiens précédant un cavalier envahit la salle. Le marquis de Bruyères, tel était son nom, reconnut le baron de Cigognac assis à la table des comédiens. Comme le jeune homme était en tendre conversation avec Isabelle, le marquis lui fit un clin d'œil complice et respecta son incognito. Séduit par la soubrette, il proposa aux comédiens de venir donner quelques représentations dans son château, ce que la troupe accepta avec joie. Tandis que tout le monde dormait, la petite fille sortit discrètement de l'auberge et disparut en courant dans l'épaisseur de la nuit. Agostine, l'homme qu'elle rejoignit dans la campagne, était un gaillard d'une 30aine d'années, à la mine suspecte. Alors, Chiquita, quelle nouvelle ? Chiquita répondit : Il est venu un chariot plein de voyageurs et les dames ont des bijoux magnifiques. La plus jolie porte un rang de gros grains blancs d'une couleur argentée. C'est bien beau. Des perles ? Si elles ne sont pas fausses, c'est bon ça. Si tu coupes le cou à la belle dame, tu me donneras le collier. Chiquita décrivit la troupe. Il y avait 6 hommes, dont 2 seulement possédaient une arme. Agostine se décida. Allons, risquons les coups et dressons l'embuscade. Le brigand et la fillette s'enfoncèrent dans les bois. À l'aube, les comédiens, encore ensommeillés, avaient quitté l'auberge pour le château de Bruyères. Cigognac, songeant au charme d'Isabelle, marchait à côté du chariot. Soudain, un long jet de feu sillonna un flot de fumée blanchâtre et une détonation se fit entendre. Les bœufs se jetèrent brusquement de côté, entraînant le chariot au bord du fossé. Les femmes se mirent à crier. Agostine apparut, un long couteau à la main. « La bourse sur la vie ! Toute résistance est inutile ! Au moindre signe de rébellion, ma troupe va tirer !» Cigognac fondit sur lui, l'épée à la main. En 3 mouvements, il désarma Agostine, qui cria à des silhouettes immobiles sous les sapins. « Feu, vous autres !» Les comédiens se réfugièrent derrière le chariot, mais il n'y eut aucun tir. Cependant, Chiquita en avait profité pour ramasser le couteau et le remettre à Agostine. Le brigand allait le lancer sur Cigognac lorsqu'un des comédiens lui saisit le poignet d'une main de fer et le désarma. C'était le tyran, un homme fort bon que la nature avait doté de tous les signes extérieurs de la férocité. Le soleil éclairait maintenant les bandits embusqués, et lorsque les comédiens s'aperçurent que la troupe d'Agostine n'était composée que de pantins de paille, ils éclatèrent de rire. Agostine avait un air piteux, Chiquita se tenait contre lui, furieuse. Appréciant comme il se doit l'imagination et le jeu du brigand, les comédiens décidèrent de lui laisser la liberté et lui firent même l'aumône de quelques pièces. Isabelle offrit un grand morceau d'étoffe à Chiquita, mais l'enfant lui dit « C'est le collier de grains blancs que je voudrais. » La jeune fille le défit et le passa au cou de la petite voleuse éperdue et ravie. « Vous êtes bonne, je ne vous tuerai jamais. » Le chariot reprit sa route et arriva sans plus d'encombre au château de Bruyères. Le marquis fit un accueil aimable à la troupe et mit à sa disposition tout ce qui était nécessaire à son confort et à l'exercice de sa profession. Le baron de Cigognac n'avait que de pauvres hardes et se sachant reconnu par le marquis, il se désolait de ne pouvoir montrer une apparence plus en rapport avec son rang. Mais le pédant sortit de ses coffres un habit digne d'un homme de cour, et en quelques minutes, le triste et misérable jeune homme fut transformé en un baron élégant et superbe. La troupe eut un grand succès. Cigognac, conquis par le jeu d'Isabelle, était plus amoureux que jamais. Et lorsque les comédiens reprirent leur route, ils étaient fort satisfaits de leur séjour au château de Bruyères et de l'argent qu'ils y avaient gagné. Il n'y eut qu'une ombre à leur plaisir. La soubrette, aimée du marquis, avait décidé de rester au château. Mais elle leur avait dit « Je vous retrouverai un jour ou l'autre, car je n'ai jamais fait de bien longues infidélités au théâtre. » Tandis que le chariot cheminait doucement, Cigognac demanda à Isabelle qui marchait à ses côtés « Par votre modestie, la sagesse de vos paroles et le bon choix de vos termes, vous avez toutes les façons d'une demoiselle bien née. Comment se fait-il que vous soyez parmi cette troupe errante de comédiens ?» Isabelle répondit « Mon histoire est toute simple. Ma mère était comédienne et elle était fort belle. Un puissant prince s'en est pris et je suis le fruit de cet amour. Malheureusement, des raisons d'État vinrent contrarier leur liaison et le prince dut faire un mariage d'intérêt. Ma mère refusa alors l'argent et la protection qu'il lui offrait et reprit son métier de comédienne. Elle mourut lorsque j'avais 7 ans et la troupe devint ma famille. » Cigognac l'avait presque deviné. Un sang princier coulait donc dans les veines d'Isabelle. Les jours qui suivirent furent moins glorieux. Les recettes n'avaient pas été fructueuses et l'argent du marquis de Bruyères avait fini par s'épuiser. Le chariot, traîné par 4 bêtes vigoureuses au départ, n'avait plus qu'un seul cheval famélique. Les hommes allaient à pied pour ne pas surcharger le triste animal et chacun gardait le silence et se protégeait du froid comme il le pouvait. Au tourbillon de vent se mêlèrent bientôt des flocons de neige, si serrés que bientôt l'on n'y vit plus à 2 pas. La tempête augmentait et le cheval n'avançait qu'à grand-peine. Soudain, le pédant s'aperçut qu'il manquait un comédien, Matamor, et on stoppa le chariot. La nuit était venue, mais la réverbération de la neige combattait les ténèbres du ciel. Un chien se mit à hurler à la mort. Le cœur serré d'un pressentiment sinistre, les comédiens partirent à la recherche de leur compagnie. Mais lorsqu'ils le retrouvèrent, le pauvre homme était mort de froid. Après avoir enterré leur ami, les comédiens reprirent douloureusement la route, essayant d'envisager l'avenir de la troupe après la disparition de Matamor. Cigognac avait pris une décision importante. Il voulait en faire part à ses camarades. « Si je n'ai pas le talent de Matamor, j'en ai presque sa maigreur. Je prendrai son emploi et le remplacerai de mon mieux. Je suis votre camarade et veux l'être tout à fait. Désormais, je ne m'appelle plus Cigognac, mais je prends pour nom de guerre le capitaine Fracasse. » Tout le monde s'écria « Vive le capitaine Fracasse !» Et Isabelle jeta un regard attendri à son ami. Un vent glacial avait durci la neige et le pauvre cheval n'avançait qu'avec une peine extrême. Bientôt, il vacilla et s'abattit pour ne plus se relever. Abandonnant leur chariot, les comédiens se mirent en marche à travers la campagne. Enfin, après plus d'une chute dans la neige, ils parvinrent à une grande ferme et frappèrent contre la porte. À leur grande surprise, ils furent accueillis par Belombre, un ancien compagnon de théâtre qui avait fait un petit héritage et coulait des jours paisibles. L'homme auquel ils racontèrent leur infortune leur offrit immédiatement l'hospitalité. « Demain, j'enverrai chercher votre chariot et nous dresserons un théâtre dans la grange. » Il y a tout près d'ici un assez gros bourg qui nous fournira assez de spectateurs. Et si la représentation ne suffit pas, je vous ouvrirai ma bourse. » Dès le lendemain, le chariot fut remisé dans la cour de la ferme. Tandis que l'on décorait la grange et que le capitaine Fracasse apprenait son rôle, l'un des comédiens, nommé Scapin, partit pour le bourg voisin, revêtu de son beau costume zébré de rose et de blanc. Il annonça le spectacle à grand renfort de roulements de tambour, et le soir même, la grange fut comble, le spectacle brillant et Fracasse très applaudi. Le lendemain, Belombre prêta des chevaux à ses amis et la troupe put reprendre la route, reposée et réconfortée. Elle fit une entrée assez majestueuse dans la ville de Poitiers, si bien que l'auberge des Armes de France lui ouvrit toutes grandes ses portes. La température était plus douce et la neige avait fondu. Isabelle ouvrit sa fenêtre pour examiner la vue qu'on découvrait de sa chambre. À cet instant, 2 cavaliers passaient au pied de l'hôtel. L'un d'eux, le duc de Valombreuse, aperçut la jeune fille et fut aussitôt séduit. « Quelle adorable créature! Il me la faut, et je l'aurai. Dussé-je, pour y parvenir, user des inventions les plus subtiles, vider mes coffres et pourfendre 100 rivaux ?» Il s'arrêta, planta son regard droit sur Isabelle et la salua respectueusement. La jeune fille prit un air froid, referma la fenêtre et rabattit le rideau. Mais cela ne découragea pas le duc, plus épris que jamais. Il y avait non loin de l'auberge un jeu de paume merveilleusement propre à établir une salle de spectacle. Les comédiens le louèrent et l'aménagèrent. Toutes les places s'étaient retenues d'avance et la recette promettait d'être bonne. La soubrette, qui s'ennuyait à mourir au château de Bruyères, avait rejoint ses amis, suivi de près par son amoureux de marquis. Son retour permettait de varier agréablement le répertoire et toute la troupe était on ne peut plus satisfaite de la revoir. Valombreuse profita des répétitions pour s'approcher d'Isabelle. Comme elle repoussait ses avances, il se fit très pressant et Cigognac s'interposa. Fou de rage, le duc s'élança, l'épée à la main, mais il se ravisa aussitôt. Il ne pouvait pas se commettre avec un saltimbanque. Drôle, je te ferai rompre les os par mes laquais. Cigognac répondit avec hauteur. Prenez garde, monseigneur, je ne reçois de volée que dans les comédies. Et il se pourrait que ce soit moi qui vous batte de mes propres mains. La sonnette tinta pour appeler les comédiens sur scène et Cigognac laissa la Valombreuse. Malgré cet incident, la répétition marcha son train. Pendant ce temps, Valombreuse était rentré chez lui, furieux. Il fit appeler ses hommes de main et leur dit « Armez-vous de gourdins et allez attendre à la sortie du jeu de paume un certain capitaine Fracasse. Assaillez-le et laissez-le sur le carreau. » La répétition était finie. S'attendant à une attaque, le tyran et Scapin proposèrent à Cigognac de l'accompagner et ils firent partir les femmes en avant sous la conduite du pédant et d'un autre comédien. Cigognac prit la tête de la petite colonne et s'avança prudemment dans la ruelle obscure qui menait du jeu de paume à l'auberge des armes de France. Les hommes du jeune duc étaient en embuscade et Cigognac les vit le premier. Il se mit tout de suite en position, l'épée à la main, et se battit brillamment. Le tyran et Scapin lui prêtèrent aussitôt main forte, si bien que les quatre larrons durent bien vite battre en retraite dans un état piteux. Les comédiens rentrèrent à l'auberge et trouvèrent leurs compagnons fort alarmés. Ils avaient entendu le bruit de la bagarre dans la ruelle et Isabelle, pâle comme la cire, était toute tremblante. « Que de chagrin j'aurais si à cause de moi il vous arrivait le moindre malheur ?» Cigognac lui dit « Je ne laisserai jamais personne insulter en ma présence l'adorable Isabelle. » Les comédiens le félicitèrent et l'encouragèrent, puis chacun se retira dans sa chambre. Cigognac, de son côté, alla trouver le marquis de Bruyères qui soupait en compagnie de la soubrette. Il lui conta son aventure et lui dit « Vous connaissez ma famille et vous pouvez attester de mon lignage. Accepteriez-vous de transmettre au duc de Valombreuse ma provocation en duel ?» Le marquis répondit gravement « Je le ferai. Et de plus, je mets comme second mon épée à votre service. » Le lendemain matin, le marquis de Bruyères se présenta chez le duc de Valombreuse, qui fut très étonné d'apprendre que sous le saltimbanque qu'il avait voulu faire bastonner se cachait un baron. Il ne put qu'accepter le duel. On choisit l'épée, arme naturelle des gentilshommes, et la rencontre fut fixée au lendemain. L'endroit choisi était abrité du vent par une longue muraille qui avait aussi l'avantage de cacher les combattants aux voyageurs passant sur la route. Le duc de Valombreuse et son témoin ne tardèrent pas à arriver. Les quatre gentilshommes se saluèrent avec une courtoisie hautaine. Puis Valombreuse et Cigognac se mirent en garde. Le duc, qui ne pouvait s'empêcher de mépriser Cigognac, s'imaginait ne rencontrer qu'un faible adversaire. Il fut surpris de découvrir une lame souple et ferme qui déjouait la sienne avec une aisance admirable. Il se battit de son mieux, mais Cigognac lui traversa l'avant-bras de part en part. La douleur lui fit lâcher son épée. Cigognac ne profita pas de son avantage pour donner le coup de grâce et avec une courtoisie parfaite, arrêta aussitôt le combat et se retira. La blessure de Valombreuse le mit hors d'état de manier l'épée pendant plusieurs semaines. Humilié, réduit au repos, sa colère bouillonnait. N'est-il pas honteux que cette maigre cigogne déplumée, ce fantoche ridicule qui reçoit des volées dans d'ignobles farces, ait eu raison du duc de Valombreuse jusqu'alors invaincu ? Mais il savait qu'il garderait probablement une faiblesse au bras et que Cigognac était un adversaire trop redoutable pour qu'il puisse s'y frotter à nouveau. Et il en était d'autant plus sombre et rageur. De plus, les lettres et les bijoux qu'il avait envoyés à Isabelle lui étaient revenus sans un mot et la troupe, après un formidable succès à Poitiers, était partie pour Paris. Il l'y suivit tout en méditant de sinistres projets. Puisque la jeune fille était amoureuse de Cigognac, il fallait l'en séparer quel qu'en soit le moyen. vieillard respectable se présenta aux comédiens. Son maître, le comte de Pomereuil, invitait la troupe à donner une représentation à son château et leur remettait d'avance une somme coquette. Rendez-vous fut pris et le vieillard se retira. Si les comédiens l'avaient suivi du regard jusqu'au bout de la rue, peut-être eurent-ils remarqué que sa taille grandissait au fur et à mesure qu'il s'éloignait. Son dos voûté s'était redressé et il ne traînait plus la jambe. Le lendemain, le chariot se mit donc en route. Les chevaux étaient frais et marchaient d'un bon pas, si bien qu'ils atteignirent bientôt la vieille forteresse de Vincennes. Au sortir du bois, Cigognac offrit son bras à Isabelle et, se laissant devancer par la voiture, ils firent tous deux le chemin restant à pied. Sur le bord de la route, un aveugle soutenu par un gamin implorait la charité aux passants. Émue, Isabelle s'arrêta pour leur faire l'aumône, mais comme elle ne trouvait pas sa bourse, Cigognac s'avança lui-même et mit une pièce dans la sébile. Alors, au grand effroi d'Isabelle, le mendiant se redressa et, ouvrant les bras comme un vautour ses ailes, déploya son grand manteau et en enveloppa Cigognac. Les bords en étaient plombés comme ceux d'un filet, ôtant au baron du même coup la vue, la respiration, l'usage des mains et des pieds. Isabelle, pétrifiée d'épouvante, ne put ni crier ni fuir. Le vieil aveugle, devenu en une minute le jeune Agostine, la saisit par les bras, tandis que le gamin, qui était en fait Chiquita, la soutenait par les pieds. Ils l'emportèrent hors du chemin, derrière une vieille masure où attendait un homme masqué monté sur un cheval vigoureux. Deux autres hommes, également à cheval et masqués, se tenaient prêts à couvrir le ravisseur. Isabelle fut hissée sur le premier cheval et le cavalier partit au galop. Pendant ce temps, Cigognac avait réussi à se débarrasser du manteau. L'homme et l'enfant avaient disparu, mais il vit les ravisseurs d'Isabelle qui coupaient à travers champs et s'élança à leur poursuite. Les cavaliers tentèrent de l'ajuster de leur tir, mais le manquèrent. Cigognac parvint à s'approcher d'eux, et pour ne pas perdre de temps avec ces deux cavaliers qui couvraient le ravisseur, il piqua de son épée la croupe de leur bête. Affolés de douleur, les chevaux se cabrèrent, puis devenus incontrôlables, se mirent à galoper comme si le diable les emportait, si bien qu'en un instant, ils furent hors de vue. Haletant, Cigognac avait rejoint le cavalier qui tenait Isabelle. « À moi, Cigognac, à moi » criait-elle. « Me voici !» répondit le baron. Il réussit à s'accrocher à la courroie du cheval. Il chercha à percer son adversaire de son épée, mais la crainte de blesser Isabelle lui fit manquer son coup. De son couteau, le cavalier trancha la courroie et Cigognac, n'ayant plus d'appui, tomba rudement sur le dos. Le temps de se relever et de ramasser son épée, son adversaire était hors de portée et gagnait le bois le plus proche. Fou de rage et de douleur, Cigognac rejoignit ses amis et leur conta l'enlèvement d'Isabelle. Les comédiens comprirent vite qu'ils étaient tombés dans un piège. Le château de Pomereuil n'existait pas. Le tyran commenta « Il y a du Valombreuse là-dessous !» Cigognac s'écria « Je l'écraserai ! Je l'écraserai !» Ils ratissèrent les environs, mais sans trouver trace d'Isabelle. Pendant ce temps, la jeune fille avait été menée à un carrosse, puis le carrosse l'avait conduite rideau baissé à une forteresse. Lorsqu'il lui eut livré le passage vers une grande cour carrée, le pont-levis se referma inexorablement. Un laquais conduisit respectueusement Isabelle à un appartement. Elle s'approcha de la fenêtre. Il n'y avait aucune grille ou barreau, mais au pied de la muraille, l'eau stagnante et verdie d'un fossé profond qui entourait la forteresse, si bien que tout moyen de communication avec l'extérieur était impossible. Il lui fallait renoncer à toute idée de fuite ou de délivrance. Désespérée, elle erra un moment dans le château qui semblait inhabité. Dans un coin de la cour, une lueur rougeâtre filtrait à travers les volets d'une salle basse. Elle s'en approcha. Des rires et des conversations lui parvinrent. Elle appliqua son œil à la fente du volet et reconnut à leurs vêtements ses ravisseurs qui buvaient et plaisantaient. Elle retourna alors tristement à sa chambre. Quel ne fut pas son effroi lorsque du seuil, elle aperçut une figure étrange assise au coin de sa cheminée. C'était un petit corps frêle avec deux grands yeux noirs. À son cou brillait un collier de perles. Isabelle reconnut alors Chiquita et reprit son calme. L'enfant ne lui avait-elle pas dit « Je ne vous tuerai jamais ?» La fillette lui confirma que l'auteur de son enlèvement n'était autre que le duc de Valombreuse et lui proposa son aide. La comédienne se désola. « Toute évasion est impossible. Chiquita peut sortir de la prison la mieux close. » En face de la fenêtre, de l'autre côté du fossé, se dressait un grand arbre dont les maîtresses branches s'étendaient presque horizontalement, moitié sur la terre, moitié sur l'eau du fossé. Chiquita tira de ses poches une cordelette de crin et y accrocha une sorte d'hameçon de fer, puis elle la lança dans les branches de l'arbre. À la seconde tentative, l'hameçon piqua l'écorce et Chiquita tira la corde à elle en priant Isabelle de s'y suspendre de tout son poids. La branche céda autant que la flexibilité du tronc le permettait et la fillette fixa la corde au balcon. « Adieu, je vais à Paris prévenir tes amis et je serai bientôt de retour. » Puis elle se suspendit au cordage et gagna la branche qu'elle enfourcha. Isabelle défit le nœud et Chiquita récupéra la corde avant de descendre du tronc. Restée seule, touchée par le courage de l'enfant et anxieuse à l'idée que Valombreuse pût arriver à chaque instant, elle s'allongea tout habillée sans se mettre entre les draps pour être promptement debout en cas d'alerte. Son sommeil ne fut pas serein, mais heureusement le duc n'apparut pas. Dans la matinée pourtant, un grincement de chaîne se fit entendre et le pont-levis s'abaissa. Le roulement d'un carrosse gronda sous la voûte et s'éteignit dans la cour intérieure. Peu après, le duc de Valombreuse se présenta devant Isabelle. « Si ma présence vous est trop odieuse maintenant, je me retirerai et vous donnerai quelque temps pour vous habituer à moi. » Isabelle répondit froidement. « Jusqu'à quand avez-vous la prétention de me tenir prisonnière ?»« Jusqu'à ce que vous m'aimiez ou que vous me le disiez, ce qui revient au même. » Puis il la salua et se retira. Dans les heures qui suivirent, Isabelle reçut un bouquet magnifique, un mot d'amour ainsi qu'un bracelet digne d'une reine. Elle jeta le tout hors de sa chambre, attendant avec angoisse et impatience que Cigognac vint la délivrer. Enfin, un petit coup sec vint tinter à la fenêtre. Elle ouvrit à Chiquita qui lança la cordelette et la rejoignit avec l'agilité d'un singe. « J'ai vu tes amis. Ce soir, dès que l'ombre sera tombée, ils tenteront ta délivrance. » Isabelle la remercia chaleureusement et lui baisa le front, puis l'enfant alla tranquillement rejoindre la bande des ravisseurs. Le soir était venu et Valombreuse réapparut. « Je viens voir, adorable Isabelle, si je serais mieux reçue que mon bouquet. Bouquets et visites seront inutiles. Je ne peux vous laisser aucun espoir. » En une seconde, le visage souriant du duc se métamorphosa, affichant une méchanceté cynique dont Isabelle fut effrayée. Tandis qu'il la menaçait, elle crut entendre un petit bruit sourd et rythmique arrivant de l'autre bord du fossé. Craignant que Valombreuse ne le remarquât, elle haussa la voix et le provoqua. « Vous m'étiez indifférent, maintenant je vous hais. Vous n'aurez jamais de moi que mon cadavre. » Valombreuse pâlit de rage et s'avança vers Isabelle. Au même instant, un craquement se fit entendre, bientôt suivi d'un fracas horrible. La fenêtre tomba avec un tintamarre de carreaux pulvérisés dans la chambre où pénétrèrent des masses de branches. C'était la cime de l'arbre qui avait favorisé la sortie de Chiquita et dont le tronc avait été scié par Cigognac et ses camarades. Valombreuse, surpris par cette soudaine irruption, se mit en garde. Chiquita, qui était entrée sur la pointe des pieds, tira Isabelle par la manche. « Abrite-toi, la danse va commencer !» Les hommes de Valombreuse, alertés par le bruit, avaient rejoint leur maître et se préparaient à l'assaut, tandis que d'autres traversaient le fossé dans une barque afin de prendre l'ennemi à revers. Soudain, un bruit de branches froissées se fit entendre et Cigognac plongea dans la pièce, l'épée à la main, suivi de près par Scapin. Profitant du tumulte, Valombreuse emmena de force Isabelle et ferma la chambre à clé. Par chance, Chiquita réussit à le faire. Cigognac et son compagnon se battirent comme des lions. Le baron avec son art consommé de l'escrime, Scapin avec sa malice et son agilité. Il leur fallait anéantir l'ennemi pour atteindre la porte qui les séparait maintenant d'Isabelle. Bientôt, la victoire fut aux assaillants, les hommes de Valombreuse gisaient sur le plancher. Mais l'épaisse porte de chêne était fermée du dehors et ils se retrouvaient prisonniers. Cigognac enrageait et s'inquiétait pour le sort d'Isabelle, quand soudain, Chiquita leur ouvrit subrepticement. Cigognac s'élança dans la pièce où se trouvaient Valombreuse et Isabelle. « Où est Isabelle ?» Chiquita lui dit. « Elle est ici, mais pour avoir la femme, il faut tuer l'homme. Qu'à cela me vienne, je le tuerai. » Surpris, Valombreuse s'était réfugié dans un angle. À ses pieds, Isabelle était à moitié évanouie. Il se mit en garde et le duel commença. Sachant combien son adversaire était redoutable, le duc parait les coups mais n'en portait point. Il espérait lasser Cigognac, déjà fatigué par son premier combat. Mais le baron lui porta une botte qui l'atteignit au-dessus de la clavicule. Il s'adossa au mur, pâle comme la mort, hors de combat. Isabelle avait perdu connaissance et Cigognac se précipita vers elle. « Revenez à vous, chère Isabelle, et n'ayez plus de crainte. Vous êtes entre les bras de vos amis et personne maintenant ne saurait vous nuire. » Reprenant conscience, Isabelle esquissa un pâle sourire et serra tendrement la main de Cigognac. Tout à coup, une impérieuse sonnerie de cor éclata, puis un bruit sourd indiqua l'abaissement du pont-levis et le roulement d'un carrosse gronda sous la voûte. Bientôt parurent quatre laquais portant des chandeliers avec un air impassible. Derrière eux arrivait un homme de haute mine, vêtu de la tête aux pieds de velours noir. C'était le prince, père de Valombreuse. Il vit Isabelle, pâle et chancelante. « Mon Dieu, j'arrive trop tard !» Il se pencha vers la jeune fille et prit sa main inerte. À cette main brillait une bague avec une belle améthyste. Le vieux seigneur parut troublé. Il l'ôta du doigt d'Isabelle avec un tremblement convulsif et en examina attentivement le blason. C'était la bague qu'il avait offerte jadis à la mère d'Isabelle. La jeune comédienne serait-elle sa propre fille ? De qui tenez-vous cet anneau, mademoiselle ? Je le possède depuis mon enfance, et c'est l'unique héritage que j'ai recueilli de ma mère. Le prince interrogea alors plus précisément Isabelle, et fut bientôt certain qu'elle était sa fille. Entre-temps, le duc de Valombreuse était apparu, soutenu par un de ses hommes. Il était affreusement pâle, et sa main crispée serrait un mouchoir contre sa poitrine. Le prince s'adressa à lui à mi-voix. « Monsieur, vos équipées dépassent les bornes. Vous devez savoir que la jeune fille que vous avez enlevée en dépit de sa vertueuse résistance est votre sœur. » Valombreuse chancela. « Puisse-t-elle remplacer le fils que vous allez perdre ?» Et il tomba tout d'une pièce sur les dalles du palier, aux pieds de son père. Affolé, le prince réclama aussitôt un médecin, et Valombreuse fut emmenée dans sa chambre. Puis il dit à Isabelle, « Restez là, mademoiselle. Votre place est désormais à mes côtés. » Il se tourna ensuite vers Cigognac. « Monsieur, vous avez agi en vrai gentilhomme en protégeant l'innocence et la vertu. Mais mon cœur paternel pleure un fils, et d'injustes idées de vengeance pourraient me prendre, dont je ne serais pas maître. Disparaissez, et je ne ferai aucune poursuite. » Cigognac répondit avec le plus profond respect, « Monseigneur, je comprends votre douleur et laisse en vos mains Isabelle, qui m'est plus chère que la vie. Je me retire à jamais, désolé de cette triste victoire, pour moi véritable défaite, puisqu'elle détruit mon bonheur. » Cigognac salua le prince, et lançant à Isabelle un long regard chargé d'amour et de regret, il se retira, suivi de ses amis. La jeune fille et son père se rendirent au chevet du duc. Il était inconscient, mais le chirurgien leur laissa quelque espoir. Son cas était grave, mais le jeune homme était solide. Il promit de veiller sur lui nuit et jour, jusqu'à ce qu'il recouvrît la santé. Isabelle et son père dînèrent donc seuls, et celui-ci lui raconta enfin son histoire. « Lorsque des raisons d'état me forcèrent à me séparer de votre mère, bien malgré moi, j'ai voulu assurer sa situation et adoucir votre avenir. Mais elle refusa tout et disparut avec vous. Elle changea de nom et passa à une autre troupe avec laquelle elle se mit à parcourir le pays, évitant Paris et les endroits où je me trouvais. Je fis tout pour la retrouver, en vain. Puis j'appris un jour qu'elle était morte. Quant à vous, personne ne put me dire ce que vous étiez devenu. Souvent, je me rendais au théâtre cherchant à découvrir parmi les ingénues quelques personnes de votre âge et de la beauté que je vous supposais. Je désespérais de vous retrouver jamais lorsque je vous vis jouer à Paris. Vous aviez le charme de votre mère et l'allure noble et modeste à la fois. Je résolus de vous revoir, mais lorsque je revins, j'appris votre enlèvement par mon propre fils. Et aussitôt j'accourus. Le prince donna à Isabelle un titre et une terre, et durant les semaines qui suivirent, ils veillèrent le duc tour à tour. Un jour qu'elle était à son chevet, celui-ci lui avoua : chère sœur, je n'aurais pas cru tant gagner en perdant tout espoir. Le frère est auprès de vous en meilleure posture que l'amant. Autant vous étiez rigoureuse à l'un, autant vous êtes douce à l'autre. De son côté, Cigognac s'était résigné à regagner son château. Croyant Valombreuse mort, il pensait que les amis du duc pourraient lui chercher querelle s'il revenait à Paris. Son serviteur Pierre, son chien Miro, son chat Belzébuth et son cheval Bayard lui firent un accueil joyeux et émouvant tout à la fois. Et puis la vie reprit, simple et triste pour le baron qui ne songeait qu'à sa bien-aimée. Au bout de 2 ou 3 mois, pourtant, il eut la grande surprise de recevoir la visite du duc de Valombreuse, bien vivant et en bonne santé. Celui-ci le rassura immédiatement sur ses intentions et ajouta : j'ai là un brevet signé du roi qui vous donne un régiment. Mon père et moi avons fait se souvenir sa majesté de l'attachement des Cigognac à la royauté. Ils soupèrent comme d'excellents amis et parlèrent d'Isabelle, bien sûr. Vous n'êtes plus mon rival. Un frère ne saurait être jaloux de sa sœur. L'aimez-vous toujours ? De toute mon âme, de tout mon cœur, de tout mon sang. En ce cas, monsieur le capitaine des mousquetaires, bientôt gouverneur de province, faites seller votre cheval et venez avec moi à Valombreuse. Lorsque Valombreuse se présenta devant Isabelle et lui annonça qu'il voulait lui présenter un ami qui ferait un mari idéal, elle répondit : vous n'ignorez pas que je ne veux point me marier. Je ne saurais donner ma main sans mon cœur et mon cœur n'est plus à moi. Vous changerez de langage quand je vous présenterai l'époux que je vous ai choisi. Et sans plus attendre, il fit entrer Cigognac dont le cœur battait bien fort. Lorsqu'elle le vit, Isabelle pâlit, puis rougit, puis se jeta à son cou. Le mariage fut célébré bien vite. Les deux époux menèrent une vie charmante et allèrent très souvent voir jouer leurs amis comédiens. Chiquita, quant à elle, était revenue auprès d'Isabelle et s'était mise à son service. Isabelle organisa en secret la rénovation du château de Cigognac et en fit la surprise à son époux. Un matin, le chat Belzébuth, le vieux compagnon de Cigognac, mourut d'une indigestion. En creusant un trou pour l'enterrer, Cigognac découvrit un coffre rempli de bijoux, de pierres précieuses et de pièces d'or. Il appartenait à un de ses ancêtres qu'il avait caché avant de partir pour la guerre. Il montra à Isabelle tout cet or étalé. Décidément, Belzébuth était le bon génie des Cigognac. En mourant, il m'a fait riche, et il s'en va quand arrive l'ange. Il n'avait plus rien à faire puisque vous m'apportez le bonheur.